Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Nouvelle pour le hockey mineur à Saint-Félicien, il y aura le Marcos Pop de Saint-Félicien va revenir. Hier, il y a une réunion générale avec, mettant en vedette également le hockey mineur de Saint-Félicien, hockey Saint-Lac-Saint-Jean, également la Ligue GMS. Ce qu'on a appris, c'est que la Ligue GMS va aider et superviser à ce que le Marcos Pop tienne leur saison comme prévu. Ils vont recruter des bénévoles également, chercher un conseil d'administration et nommer un entraîneur. Donc, c'était quand même une belle nouvelle parce que le Marcos Pop de Saint-Félicien est une institution à Saint-Félicien. Ça aurait été très, très dommage de voir cette équipe disparaître. Hier, dans la section de revue de danadosport.com, on a parlé avec Alexis Schenk, le gardien de but des Saguenay-Chicoutimi, qui a participé au précamp du Canadien de Montréal, au précamp des recrues. Et Alexis Schenk a bien aimé cette action. Le premier, c'est tout le temps de passer la première coupure. Okay. Mais, tu sais, je savais qu'il y avait beaucoup de gardiens de but. Il y avait tout pas mal signé. Ils étaient tous dans les Rockets ou dans la Ligue nationale. Fait que... Mais mon but premier, c'était vraiment de donner une bonne performance là-bas, me faire voir par l'organisation ou par d'autres équipes. Puis c'est vraiment de performer puis me mettre dans la map un peu, là, tu sais, ouais, ouais. Pour mon... Et sa petite stature devrait pas être un handicap. Avant, la grandeur, ça importait vraiment beaucoup. Okay. Mais là, on dirait plus les années avancent, plus l'équipement rapetisse, plus on veut des goalers de réflexe puis de rapidité. Ouais. Donc, je pense que ça peut être un avantage pour moi. Mais... Parce que on voit dans les nouvelles de hockey junior, on voit ça partout, tu sais. Oui, sur papier, on a une bonne équipe, mais on peut rien faire si on travaille pas. Mm. Donc, vraiment, notre coach, il nous l'a pas mal dit, puis il nous fait travailler sa glace. Fait que non, c'est juste qu'il faut travailler fort. Puis si on travaille fort, je pense qu'on a le talent. OK, OK. Et en terminant, on a parlé avec William Saint-Pierre de Dolbeau-Mistassini. William Saint-Pierre qui joue avec les Gaillards de Jonquière. C'est sa dernière année avec l'équipe et il est conscient, évidemment, cette année qu'il devait apporter du leadership à la formation. Non, je te dirais que quand même, j'étais demi de coin. Okay. J'ai changé ma rôdeur. Sauf que ça reste demi-défensif. Puis je comprenais bien déjà le système. Fait que juste en changeant de position comme ça, mais je te dirais que ça n'a pas tant changé ma compréhension du jeu. Okay. Ça se comprend très bien. Là. Ça reste un peu la même chose. OK. Et en terminant, William Saint-Pierre a changé de position cette année. Il s'adapte très bien à sa nouvelle position. En 2015, puis l'année passée avec les Gaillards là, okay. De Jonquière. Je te dirais qu'il y a beaucoup de recrues. Fait que oui, c'est important quand même de montrer l'exemple du leadership pour ce que les autres vont continuer après ça avec le programme. Là. Fait que oui, il faut leur montrer justement... Comment aller chercher des balles d'or en équipe. Donc, écoutez la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec William Saint-Pierre des Gaillards de Jonquière et Alexis Schenk des Saguenay de Chicoutimi. Sport local et régional à danradiosport.com. À son équipe.